J'ai faim, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim et qu'il a froid. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il est fatigué et qu'il a envie de dormir. Je suis pressé, je dois partir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il est pressé et qu'il doit partir. Il reste du café, quelqu'un en veut ? Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande s'il reste du café et si quelqu'un en veut. Il pleut, il fait froid. Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande s'il pleut et s'il fait froid. Qu'est-ce qui se passe dehors ? Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande ce qu'il y a comme dessert. Attachez votre ceinture. Ralentissez. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit d'attacher notre ceinture et de ralentir. Fermez la porte, éteignez la lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit de fermer la porte et d'éteindre la lumière.